Chers auditeurs, bienvenue dans votre cyber-revue de presse L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je m'appelle François Marginan et nous serons ensemble pour la prochaine heure et demie. Vous êtes à l'écoute de Choc FM, la radio officielle de l'UQAM, l'alternative à Montréal et dans le monde. Et nous en sommes à l'édition du 8 avril 2010. Alors, voilà, cette semaine, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un paquet de trucs sur la table. Nous allons parler de Moyen-Orient pour débuter ici. Là, on va parler d'Irak, Palestine, Israël, ensuite quoi, Pakistan, Afghanistan, un paquet d'autres pays comme ça, l'Iran aussi. Donc, on va voir un peu de ce côté-là, qu'est-ce qui se passe. Et après, on va attaquer l'actualité et puis quelques nouvelles de l'économie. Et ça devrait être pas mal tout pour l'émission. On va peut-être essayer de gruger un peu le dossier de l'État policier. On va voir ce qu'on a le temps de couvrir. C'est déjà en masse, là. Et puis, la semaine prochaine, tel que promis, vous allez avoir le très gros dossier, volumineux dossier du réchauffement climatique, en fait, du Climate Gate, du scandale sur tout ce culte, cette théorie du réchauffement climatique causée par le CO2, causée par l'homme, alors qu'il faudrait vous taxer, puis tout le tralala. Alors, gros dossier, ne pas manquer la semaine prochaine. Et on va tout décortiquer, cette affaire-là, c'est en train de s'écrouler, toute cette histoire de réchauffement climatique, surtout après l'hiver qu'on a connu, surtout à travers le monde. Donc, ça a été très froid, même les glaces se sont retrouvées à des niveaux comme on n'avait pas vu depuis plusieurs années, donc sont revenues à des niveaux normaux. Alors, bon, il y a un paquet d'affaires à traiter à ce niveau-là, on va voir. Donc, allons-y, et puis on va y aller fort avec un truc assez important qui, cette semaine, a fait la manchette de l'actualité. Alors, je crois qu'il a fallu être complètement coupé de la scène médiatique si on ne sait pas que WikiLeaks a relâché une vidéo qui, bon, on essayait d'avoir, je crois que c'est le Guardian en Angleterre qui essayait de mettre la main sur cette vidéo depuis au moins 2007 et WikiLeaks l'a relâché cette semaine et puis c'était une vidéo qui montrait des images d'une bavure américaine en Irak assez importante et puis vous avez une vidéo aussi sur le canal de L'Autre Monde sur YouTube où vous pouvez trouver cette vidéo et vous allez aussi la retrouver sur les nouvelles internationales où tous les documents et puis les informations dont je parle ici, dont je discute, sont mise en lien. Alors, vous allez tout retrouver ça là-bas aussi. Donc, un gros dossier sur cette histoire des images de la bavure américaine en Irak. Alors, vous avez sûrement entendu parler là de ces deux journalistes de Reuters et qui se sont fait tuer dans une attaque vraiment hallucinante. de l'armée américaine. Alors, deux hélicoptères Apache là, de l'armée américaine qui survolaient Bagdad. Et puis, on avait un groupe d'hommes qui marchaient dans une rue déserte. Et deux d'entre eux sont visiblement armés, dit-on. Sauf que maintenant, même l'armée américaine a admis que c'était en réalité de l'équipement photographique, alors des trépieds, puis des lentilles pour caméra, alors qu'on a pris apparemment pour des armes. Et puis, après ça, on a déclaré de la part des soldats qu'on pensait qu'on était sous attaque. Et puis, il n'y a pas visiblement aucune attaque là, qui sont faites sur les Apaches. Et puis, c'est une attaque vraiment sauvage qui se sont faites, même sur une petite camionnette qui vient plus tard pour essayer de secourir les survivants, dont un des journalistes. Et puis, on a ouvert le feu. Quand je dis on, c'est l'armée américaine, là. Ils ont ouvert le feu directement sur la minivan qui était visiblement pas menaçante du tout. Personne n'est armé là-dedans. Donc, vous avez un des hélicoptères qui portait un des soldats qui a demandé l'autorisation de tirer. On accorde la permission et puis en moins de 5 minutes, plusieurs salves balayent la rue. Deux enfants sont blessés et puis une dizaine de personnes sont tuées dans cette attaque sauvage. Parmi elles, eh bien, comme je disais, vous avez deux employés de l'agence de presse Reuters, dont Saïd Schmag, un chauffeur de 40 ans, et puis Namir Noor Eldin, photographe de 22 ans, qui ont été tués dans cette attaque. Alors, allez retrouver ça, vous allez trouver toutes les informations concernant cette histoire-là. On a la scène qui est entièrement filmée de l'un des hélicoptères. C'est une histoire horrible. Les images sortent à propos de ça, mais vous devez comprendre que ce type d'événements se sont produits très régulièrement, de façon constante en Irak et aussi en Afghanistan. Là, il ne faut pas se mentir là-dessus. Là, c'est là les images nous arrivent, donc on n'a pas vraiment le choix là, d'acquiescer et puis de se rendre compte que oui, il y a des bavures et des situations qui se passent là-bas qui sont absolument hallucinantes. Je veux dire, c'est des crimes de guerre et. Écoutez, la guerre en Irak aussi, elle était le théâtre d'un nombre record de journalistes tués dans tout conflit armé depuis les temps immémoriaux. Alors, on a tué une quantité de journalistes assez incroyable en Irak. Donc, c'est pas de quoi là, qui est isolé. Vous avez eu l'attaque à Fallujah, on avait utilisé même des armes chimiques, OK, donc du phosphore blanc sur les populations civiles. On a ouvert carrément le feu sur des civils là-bas. Donc, c'est pas un incident isolé, c'est un incident qui est spécial par rapport au fait que là, on a des images par rapport à ce triste événement, mais combien d'images non diffusées se sont produites, OK? Et puis, vous devez évidemment penser à ça. Alors, non, c'est assez incroyable, je veux dire, c'est une guerre, c'est une invasion militaire, une occupation militaire criminelle, un crime de guerre, un crime contre l'humanité. Et je tiens à vous rappeler que c'est un conflit maintenant qui dure plus longtemps que la guerre du Vietnam et même la Deuxième Guerre mondiale. Alors imaginez, c'est assez incroyable, je veux dire, quand on commence à penser à la durée de temps face à laquelle là, on doit faire face en réalité, là, je veux dire, une durée de temps qui est assez incroyable, là, je veux dire, plus longue que la Deuxième Guerre mondiale. Pensez-y. Pensez-y 2 petites secondes. Alors, allez trouver ces informations-là, très important. C'est comme ça qu'on procède dans ces guerres-là. Et puis, on appelle ça des dommages collatéraux dans le jargon militaire. Donc, on essaie tout le temps d'utiliser le newspeak, hein, si vous voulez, de George Orwell. Alors, le langage orwellien. Et puis, on essaie de couvrir des actes de meurtre, d'assassinat en plein jour avec des étiquettes comme ça. Alors, on pourrait parler de meurtre collatéral. Alors, ce serait peut-être plus un terme approprié pour décrire la situation à laquelle on fait face. Donc, voilà, ça rouvre le dossier. Donc, on va continuer avec l'Irak. Vous avez eu des élections là-bas, et puis Malaki a été apparemment élu, mais a refusé de recompter les votes, et puis a essayé de supprimer un peu toute dissidence par rapport à ça. Alors, ça risque d'être une dispute qui risque de tourner assez laide. Et puis, d'ailleurs, vous avez eu des attaques terroristes dernièrement dans le cœur de Bagdad qui a tué Qui a tué combien de personnes? Je crois que c'est une affaire comme 75, ouais, 75 personnes qu'on a selon les derniers chiffres, là. Vous voyez le progrès en Irak, là, qui est très effectif, très efficace. Oui. Alors, ça va très, très bien. Alors, on parle d'élections libres ici sous occupation militaire de troupes étrangères. Alors, on est encore en plein langage orwellien ici, deux poids, deux mesures, et puis des affaires qui font aucun sens. Alors, ouais. Donc, une guerre civile, une nouvelle guerre civile qui est en train de prendre fin en Irak, mais on a amené la démocratie, on les a libérés. Alors, c'est fantastique. Et puis, on est là depuis 2003. Alors, pense à ça, mars 2003, ça l'a fait ce mois-ci, 7 ans qu'on est là-bas. Alors, 7 ans, ça défie toute logique. Vous avez ceux qui soutiennent Maliki qui menacent une escalade des tensions et puis des représailles. Alors, on ne veut pas recompter les votes et vous voyez là un peu là, toute cette histoire des élections qui pourrait résulter en des soulèvements sociaux ou encore pire. Alors, on peut parler encore de schisme qui risque d'apparaître dans la société irakienne. Les attaques terroristes, comme je vous disais, qui se poursuivent. Et vous avez ici l'ancien chef de l'Agence nucléaire mondiale, et j'ai nommé Mohamed El Baradei, qui a déclaré dans une interview avec un journal de l'Angleterre qui s'appelle The Guardian, mercredi dernier, que celui que ceux qui ont lancé l'attaque, la guerre en Irak, sont responsables pour la mort d'environ 1 million de personnes innocentes irakiennes. Alors, ça aussi, là, c'est un fait assez troublant. Et M. El Baradei a déclaré que ces personnes qui ont déclaré cette guerre illégale contre l'Irak devraient être tenues responsables sous la loi internationale. Alors, il est très clair qu'il faisait référence au président, l'ancien président américain George Bush et le premier ministre anglais Tony Blair. Et puis, évidemment, toute leur, on pourrait dire, les têtes militaires et puis les forces de sécurité privées qui sont aussi présentes dans ce pays, tous ceux qui profitent de ce théâtre de guerre qui est semi-privé, mentionnons-le avec importance, oui, des guerres qui sont semi-privées. On a intérêt à ce que ces guerres-là aussi s'étendent dans la durée de temps qu'elles durent. Alors, on a un grave problème, on a un grave problème, et puis on dirait qu'on n'est pas si proche que ça de le régler. Alors, on a tout un gros dossier à faire face avant de pouvoir, historiquement, pouvoir continuer notre route. Alors, tant que ça ne sera pas réglé, on va être dans un marasme et puis un cul-de-sac. Au Pakistan, maintenant, on va se retourner vers le Pakistan. Alors, écoutez, la CIA qui fait face à des poursuites en justice pour ses attaques par les drones aériens, alors ces fameuses genres de petits avions non pilotés par des humains. Alors, on pilote ça à distance, un peu comme des robots à distance. On vole ça, on fait voler ça au-dessus du territoire et puis on largue des bombes comme ça. Et on a plusieurs dizaines d'attaques comme ça qui se sont produites. Et puis, dans toutes les personnes qui ont été tuées, autant en Afghanistan qu'au Pakistan, on a moins de 5% des personnes qu'on est certain que c'était des méchants, de parenthèse. Écoutez, on est dans leur pays en train de les bombarder, alors même de les étiqueter comme tels, ce serait complètement hypocrite, là, je veux dire, mais peu importe, là, en tout cas, on dit qu'on a réellement à peu près 5% de toutes les personnes qui ont été tuées qui étaient vraiment des ennemis, entre parenthèses. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'environ 95% des personnes qui ont tué avec ces attaques-là des airs sont des victimes parfaitement innocentes, des civils, bien souvent. Et, évidemment que la CIA et les États-Unis doivent être tenus responsables de ces crimes de guerre. Alors, ça, c'est une attaque ici, une attaque, un article qui parle de ça ici. Et puis, ça commence à se discuter, là. On parle ici d'un professeur en loi, Kenneth Anderson, de l'université américaine, qui a déclaré ça à un panel du Congrès. Et puis, ça a été rapporté par AFP. Alors, vous voyez là qu'on commence à parler de ça au plus haut niveau du gouvernement. Alors, oui, à un moment donné, il va falloir qu'il se passe de quoi, c'est certain, là. Je veux dire, on fait face à des crimes de guerre, là, OK? On a envahi des pays basés sur des mensonges. Alors, c'est tout aussi grave que ce que les nazis avaient fait avec leurs pays voisins. Et puis, on avait ouvert les procès de Nuremberg pour ça, OK? On avait déclaré qu'on avait trouvé, on avait fait en sorte, on avait écouté bien établi là, que le crime suprême international était une agression non provoquée d'un autre pays parce qu'il renfermait tous les autres crimes. Alors, c'est à ça qu'on a affaire ici. Donc, tant qu'on ne réglera pas ça, je veux dire, on va permettre en tant que tel que un pays puisse envahir un autre pays comme ça, basé sur des mensonges, et puis écoutez, l'entraîner la mort de millions de personnes, oui, disons-le, de millions de personnes. Entre 1991 et 2003, on a tué 1,5 million de personnes. Ça, c'est des chiffres reconnus par l'ONU, puis même par les États-Unis. Même l'ancienne secrétaire à l'État, Madeleine Albright, sous Clinton, avait déclaré que c'était des dommages collatéraux acceptables. Écoutez, là, des dommages collatéraux acceptables, on a entre 500 000 et 1 million d'enfants sur ce 1,5 million-là, OK? Ça a été admis puis accepté là, par le secrétaire d'État des États-Unis, OK? Donc, on a déclaré que tuer 500 000 enfants en Irak, c'était des dommages collatéraux acceptables. Et puis après ça, de 2003 à aujourd'hui, on a tué au moins un autre million de personnes. Donc, on est rendu à 2,5 millions de personnes qu'on a tuées en Irak, OK? Donc, si on parle que c'est méchant d'avoir tué les... On parle là, du génocide de Rwandais ou du génocide des Arméniens, on parle de l'Holocauste, on parle du génocide au Cambodge, OK, sous la main de Pol Pot. Alors, on parle de cette affaire-là et puis on se retourne vers l'Irak, c'est pas un génocide, ça, je veux dire, OK, je veux dire, comprenez, là, 2,5 millions de personnes au bas mot, là, au bas mot, même sans compter l'Afghanistan puis les victimes qui ont été faites dans les pays autour, on est rendu à un chiffre vraiment très gros, là, je veux dire, on parle du génocide du Rwanda qui s'est passé autour des années 2000, avec environ 1 million de victimes, là, on est rendu à 2,5 fois plus, là. Donc, il serait peut-être temps qu'on commence à se réveiller. Alors, bon, allez retrouver cet article-là. Très important. Ensuite, on dit que, là, de la part des États-Unis, par rapport à ça, vous avez l'administration américaine, là, qui a déclaré que les attaques par drone au Pakistan étaient justifiées parce qu'on était en guerre en ce moment et puis que c'était un acte d'autodéfense. OK? Donc, je veux dire, voyez comment qu'on retourne ces arguments-là. C'est complètement débile. Je veux dire, caractériser ces attaques par drone-là comme étant de la défense, écoutez, là, chers auditeurs, c'est une insulte à l'intelligence de toutes les personnes sur la planète qui sont capables de penser, là, avec deux cellules, OK? Je veux dire, on parle ici d'assassinats ciblés. On parle de meurtre extrajudiciaire, OK? C'est pas plus compliqué que ça. Vous mettez un point à la fin de la phrase et puis c'est terminé, on ferme le dossier, le livre est fermé, là. Je veux dire, on a beau tourner les phrases de façon orwellienne comme on le veut, là. Je veux dire, c'est la même affaire, OK? On parle de la même chose. Mais au niveau de l'Iran, maintenant, on a ici un article du Washington Post qui parle que Israël est en train de considérer d'utiliser des attaques nucléaires tactiques contre l'Iran. Alors, oui, vous avez un gros think tank, un gros groupe de penseurs qui s'appelle le Center for Strategic International Studies, alors le CSIS, qui a déclaré dans un nouveau rapport dernièrement qu'il croyait que des armes nucléaires devraient être utilisées pour détruire les cibles très profondément enfouies sous le sol dans les tunnels. Alors, on est en train de déclarer carrément là, que Israël, premièrement, a des armes nucléaires et puis deuxièmement, devrait s'en servir, OK? Sauf que dans un rapport comme ça, je veux dire, on ne parle pas jamais de « et puis après ». Hein? Donc, si vous commencez à utiliser des bombes nucléaires contre l'Iran, eh bien, qu'est-ce qui va se passer après? Ben, numéro un, il n'existe pas d'attaques nucléaires qui soient propres. Okay? Je veux dire, ça, il faut comprendre ça très, très, très important, là, je veux dire, consciemment. Une attaque nucléaire, c'est jamais propre. Okay? Même si dans les nouvelles doctrines américaines, même dans les manuels américains là, de l'armée, on prétend que utiliser des armes nucléaires maintenant, c'est propre. Okay? Donc, ça n'a aucune conséquence autour. Il n'y a pas d'irradiation qui se produit. Non, non, non. Donc, écoutez, là, ça n'existe pas une attaque nucléaire propre. Bon, numéro deux, vous devez comprendre aussi que l'armée iranienne est très bien armée et puis a du stock. Okay? Là, je veux dire, a du matériel militaire à profusion. Chose que l'Irak n'avait pas. Okay? Je veux dire, on parle de deux situations complètement différentes. Donc, une contre-attaque serait très forte venant de l'Iran. Ensuite, on sait aussi, en position numéro 3, qu'Israël pourrait être capable d'initier une attaque contre l'Iran, mais ne serait pas capable de la terminer sans la présence et l'assistance militaire américaine. Donc, ça veut dire que tout d'un coup, on implique les Américains là-dedans. En point numéro 4, on a la Russie puis la Chine, qui pourraient aussi venir aider, soutenir l'Iran là-dedans, qui ont des accords commerciaux très importants. Et puis, comme je vous dis souvent, la Russie a déclaré qu'il prendrait une attaque contre l'Iran comme étant une attaque personnellement sur la Russie. Alors, ça parle aussi, est très, très important à considérer. Et puis en numéro 5, ben, rappelez-vous, chers auditeurs, que la Russie et la Chine possèdent des armes nucléaires. Alors, est-ce que vous avez le goût d'une troisième guerre mondiale? Troisième guerre mondiale? Quelqu'un a levé la main dans la salle? OK, je ne vois pas de main levée. Alors, pensez à ça. OK? Donc, quand on vous vend une attaque contre l'Iran, il est peut-être temps que vous commenciez à réagir très fortement, puis vous commenciez à appeler les journaux, vos représentants, le gouvernement, appeler n'importe qui, là. Je veux dire, il est important là qu'on évite ça à tout prix, mais à tout prix. OK? Ensuite, on a Israël ici, dans un autre article, on apprend qu'ils sont en train de se concentrer sur des attaques, des cibles nucléaires iraniennes. Alors, voilà encore d'autres indices de qui est le belligérant là-dedans, de ceux qui veulent partir la nouvelle guerre. Mais de façon très ironique, dans cet article-là, on dit que si Israël devait lancer une attaque contre les installations nucléaires iraniennes, qu'il probablement ferait en sorte que ce serait des attaques avec précision. Alors, on parle ici d'attaques avec grande précision. Alors, on se demande si ces attaques-là, avec grande précision, qui éviteraient le secteur pétrolier et puis les autres sites civils, seraient portées de la même façon qu'ils l'ont fait dans Gaza. Alors, si l'exemple de Gaza est ce qu'on appelle en parenthèse des attaques ciblées avec précision, eh bien, il y a lieu de se poser des questions très importantes encore ici aussi. On a le Canada qui est un pays neutre dans le monde, un pays qui supporte la paix, qui vient de réassigner des bateaux de guerre pour apparemment, en parenthèse, combattre des attaques de l'Al-Qaïda. Alors, le Canada aurait cancellé une visite en Inde pour faire en sorte qu'un de ces bateaux de guerre soit assigné au contre-terrorisme et des opérations dans le golfe de Aden, parce qu'on parle ici de risque d'attaque de l'Al-Qaïda, l'Al-Qaïda. Alors, ça, c'est très important aussi. C'est des signes assez importants. On a aussi 2 semaines plus tôt le gouvernement américain qui a envoyé des bateaux de guerre proche de la côte du Yémen. Alors, on parlait ici encore de risque d'attaque de l'Al-Qaïda. Et si vous voulez comprendre un peu qu'est-ce qui est en train de se passer, il faut regarder dans d'autres nouvelles où on a appris le 17 mars 2010 qui est en train de préparer la population au fait que l'Iran, apparemment, est en train d'assister l'Al-Qaïda en facilitant des liens entre des terroristes seniors, des leaders de l'Al-Qaïda et puis des groupes affiliés, nous disait des forces armées, le commandant en fait des forces armées du Moyen-Orient. Qui s'est adressé au Congrès pour déclarer ces choses-là. Alors, on peut ici se demander si Washington et puis ses alliés sont dans le processus de conjurer une sorte de fausse attaque, okay? Donc des opérations qui sont très régulières et puis qu'on remarque de plus en plus. Et puis après ça, quoi? Eh bien, blâmer de façon jointe là, de tous les alliés puis Washington. Alors, blâmer l'Al-Qaïda et l'Iran de ces fausses attaques terroristes-là, et puis ainsi se justifier pour partir une attaque contre l'Iran. Alors, ça, c'est, comprenez-vous, là, des notions qui sont à avoir en tête pour les voir aller, là, hein? Donc, on prépare des choses, mais il faut savoir lire entre les lignes pour voir ce qui se prépare. En Afghanistan, on a des forces spéciales américaines qui ont essayé de couvrir une autre attaque, un raid dans un village en Afghanistan qui a été complètement manqué. Alors, vous voyez, là, ça se produit de façon quotidienne, quasiment dans ces pays-là. Ça, c'était rapporté par le Times. Alors, ça fait un peu référence à ce que je parlais en début d'émission en Irak aussi, où on a des attaques comme ça complètement débiles. Des attaques, je veux dire, si on avait les images qui sortaient, on serait scandalisé ben raide, là. Je veux dire, des attaques complètement capotées sur des civils qui n'ont absolument rien fait. On ouvre le feu. Et puis après ça, on essaie de couvrir ses traces. Et puis dans ce cas-ci, vous avez des soldats des forces spéciales américaines qui ont retiré, ils sont allés chercher des balles dans les corps des victimes qu'ils venaient de tuer. Alors, c'est une attaque complètement manquée durant la nuit dans une région de l'Afghanistan, et puis on a tué comme ça par accident encore des victimes complètement innocentes. Alors, vous avez des jeunes adolescentes et puis 2 femmes qui étaient enceintes et son frère alors qui ont été tués, et puis un officier de police. Ça s'est passé le 12 février, puis on a essayé de couvrir les traces en retirant les balles des victimes. Alors, ça, c'est un crime. Alors, même l'armée a essayé en premier de couvrir le fait que ça s'est passé. Puis après ça, l'armée américaine a admis son rôle dans la tuerie de ces femmes. enceinte et de ses hommes et puis adolescente. Et écoutez, on se retrouve avec un autre gros scandale ici. Mais comme je vous dis, ce n'est pas des trucs qui sont isolés, OK? Ça commence à être tellement grave qu'ils sont dans un article de l'agence France Presse qui nous apporte que Hamid Karzai, qui est l'homme marionnette du régime de Washington, est en train de se revirer, en tout cas publiquement dans les médias. On se demande si c'est un peu une posture médiatique pour essayer de mettre de la pression sur Washington d'arrêter ses attaques sur les civils et puis en réalité sur le pays là, qui font en sorte que, je veux dire, les talibans et puis le peuple s'unissent contre Karzai et puis Karzai est en train de perdre le pouvoir. Faut faire attention, là, Karzai a été mis en place, c'est l'ancien consultant de Unocal, hein, celui qui essayait de convaincre les talibans avant 2001 d'avoir le contrat pour passer les pipelines. Faut aussi se rappeler que le frère de Karzai travaille pour la CIA puis est impliqué dans le trafic de drogue. Alors tout ça est bien documenté, même rapporté par les médias de masse, là. Donc posez-vous pas de questions à propos de ça, là. C'est allez vérifier si vous croyez pas ça, là. Vous n'avez pas besoin de me croire, là. C'est allez vérifier si vous n'êtes pas conscient de ça puis vous doutez de ça. Alors il faut bien comprendre. Et puis Karzai a menacé de rejoindre les insurgents talibans, si les Américains n'arrêtaient pas de se mêler des affaires intérieures afghanes et puis continuaient d'attaquer et puis de tuer des civils de façon complètement indiscriminée. Il y en a qui disent que c'est, comme je vous disais, qu'une posture médiatique, alors que peut-être que d'autres personnes se diraient, ben faites attention, c'est peut-être pas si certain que ce soit qu'une posture, que ça pourrait être un revirement assez ironique, vraiment probablement une ultime ironie qui se créerait en Afghanistan après 9 ans. 9 ans, quand on leur pense à ça, c'est débile. Ça fait 9 ans qu'on est là. Ça aussi, ça fait plus longtemps que la Deuxième Guerre mondiale et puis la guerre du Vietnam, OK? Donc, occupation militaire depuis 9 ans qu'on est là. Je veux dire, ben oui, il est temps que ça arrête, là. Je veux dire, il n'y a pas un Afghan dans le pays qui vit dans l'illusion que les forces étrangères sont là pour les aider, OK? Je veux dire, il n'y a personne qui croise en Afghanistan. Y a personne, personne, personne. Okay? Alors, imaginez l'ironie si vous auriez Karzai, son gouvernement, qui ferait, s'aligneraient avec les talibans et puis le reste de la population et puis essaierait de jeter les troupes américaines à l'extérieur du pays. Alors, troupes américaines et de l'OTAN, faut-il le dire? Donc, oui, voyez là, c'est assez spécial. Vous avez le New York Times ici qui parle que vous avez des troupes américaines et puis de l'OTAN qui tirent sur des convois. Vous savez aussi des checkpoints, là, des barrages. Alors, ces gens-là rouvrent le feu sur des Afghans. Puis, vous avez ici dans l'article, on parle de 30 Afghans qui ont été tués de cette façon. Et puis, plus de 80 qui ont été blessés seulement que l'été dernier. Il n'y a rien qui prouve aussi dans ces cas-là que les victimes montraient quelque danger que ce soit aux troupes. Okay? Donc, ça vient des sources officielles militaires à Kaboul. Donc, on a une quantité de personnes assez impressionnantes qui ont été tirées dessus, qui ont été tuées aussi. Et puis, personne ne posait aucune menace. Ça aussi, ça vient de la bouche du général Stanley A. McChrystal, qui est responsable du théâtre de guerre en Afghanistan. Alors, ça vient autant des instances officielles afghanes qu'américaines aussi, là. Ça vient du général, du top général responsable du théâtre de guerre. Et puis, on ouvre le feu comme ça sur des civils. Donc, comme je vous disais, c'est évident que la population comprend là qu'on n'est pas là pour les aider, que ces gens-là sont sous occupation militaire. Et puis, que, on a écouté, là, l'ennemi, c'est l'OTAN pour eux autres, là. L'ennemi, c'est les soldats américains, les soldats canadiens, les Allemands, et puis toutes les autres qui sont là. Okay? Mais qu'à cela ne tienne, vous avez Obama qui a rendu visite à l'Afghanistan, une petite visite surprise. Obama qui promet la victoire, qui dit aux troupes américaines, nous l'emporterons en Afghanistan. Il a promis de défaire les talibans lors d'une visite surprise en Afghanistan, donc sa première depuis le début de sa présidence. Il a profité aussi pour demander à son homologue afghan, Hamid Karzai, davantage d'efforts pour lutter contre la corruption. Oui, la corruption, on se demande bien qui est là pour protéger la corruption. Donc, Obama qui a parlé du 9-1 pour justifier ça, blablabla. Donc, vous voyez là, la propagande totale qui est en train d'être déroulée sur le tapis rouge pour vous. Il y a un autre article ici qui parle de la CIA qui tente de manipuler l'opinion des Français sur l'Afghanistan. Alors, ça vient aussi d'un rapport qui a été rendu public, un rapport confidentiel de la CIA. Et on compte sur l'apathie du public, OK, pour ignorer ce qui se passe, ignorer les votes, ben, écoutez, les personnes qui votent, là, je veux dire, les civils, les gens, les Français, les Allemands, okay, on compte sur l'apathie du public pour continuer ces guerres sans fin au Moyen-Orient. Ça vient d'un rapport, comme je vous disais, qui a été rendu public aussi par WikiLeaks. Alors, ça fait dur, OK? Donc, on essaie de manipuler l'opinion européenne par rapport à l'Afghanistan. Vous avez le document officiel que vous pouvez aller télécharger pour vous rendre compte de comment qu'on joue avec les gens. Donc, on étudie comment la population réagit. Puis, c'est ça. Quand que vous voyez une population, même ici comme au Canada, on ne réagit pas à ces guerres-là. On reste assis dans nos fauteuils et puis on laisse ces crimes de guerre-là. On participe à ça. On participe à la torture. Participe à des occupations militaires qui durent depuis des années et des années. Et puis on ne bronche pas, on ne fait rien. Puis c'est ça qui permet que ces guerres-là continuent. Puis vous avez même ce rapport-là de CIA qui en témoigne. Okay? Donc, c'est très important là, de se rendre compte là, aussi de comment l'indifférence participe à ça. Donc, on a du sang sur nos mains. De par notre indifférence aussi, là. Okay? Donc, les gens qui haussent les épaules quand on parle de ça, je veux dire, participent à des crimes de guerre. Donc, écoutez, là, vous avez beau hausser les épaules jusqu'au plafond, ça change à rien, là. Je veux dire, notre indifférence est aussi criminelle. Je veux dire, on permet que des millions de personnes soient tuées au Moyen-Orient. Donc, c'est bien triste, là, mais c'est comme ça. Je veux dire, il faut se regarder dans le miroir. C'est pour ça qu'il y a bien des gens qui refusent de vous écouter quand vous commencez à parler de ces affaires-là, parce que, écoutez, ils savent qu'ils sont responsables. Okay, donc, on préfère se mettre la tête dans le sable et puis détourner le regard parce qu'on a du sang sur les mains. Je veux dire, vous savez, l'information, c'est une arme. Donc, c'est important de s'armer de cette information-là pour faire en sorte qu'on ne se fasse plus manipuler. Okay? Mais c'est sûr qu'il y a un fardeau qui vient avec ça, le fardeau de la responsabilité, c'est évident. Okay? Donc, si vous savez ce qui se passe, ben vous êtes maintenant responsable, vous ne pouvez plus agir de façon hypocrite, on ne peut plus retourner en arrière. Donc, vous devez faire de quoi? Vous devez prendre position et puis faire en sorte que vous vivez en intégrité avec ce que vous savez. Donc, ça veut dire que vous devez prendre action et puis faire de quoi pour que ces choses-là arrêtent, OK? Je veux dire, c'est pas à cause que ça se passe dans un autre pays, dans une contrée lointaine, que ça se passera pas contre vous autres aussi, là. Je veux dire, s'ils sont capables de monter des attaques puis occuper des pays comme ça pendant des années, tuer des millions de personnes, écoutez, ils ont pas plus d'estime pour votre vie que pour ces gens-là là-bas, là. Il faut arrêter de vivre dans l'illusion, là, OK? Vous comptez pas plus, vous autres, là, que les gens au Moyen-Orient, là. Alright. Ils ont été capables de tuer 2 000, 3 000 personnes, bang, comme ça, le 11 septembre, dans des attaques directes en plein jour. Même affaire à Oklahoma City, même affaire à Londres, même affaire à Madrid, même affaire à Bali. Okay? Toutes des attaques qui sont liées avec les services secrets. Je veux dire, toutes des pistes qui mènent indubitablement aux services secrets. Je veux dire, ça n'a rien à voir avec des complotistes, des théories de conspiration, quoi que ce soit, là. Je veux dire, quand vous avez des premiers ministres, des chefs des services du renseignement qui avouent ça, à un moment donné, là, je veux dire, oui, c'est un fait, là, okay? C'est des services secrets qui sont derrière ça, les traces sont partout, là, je veux dire. Donc, si ces gens-là sont capables de tuer leur propre population, c'est-à-dire vous et moi, ben, il est peut-être temps qu'on se réveille puis qu'on commence à se protéger, alright? Je veux dire, l'ennemi, il est peut-être plus proche qu'on le pense. Ouf, OK, donc des grosses informations, on continue. Vous avez l'OTAN qui a rejeté la demande de la Russie de détruire les champs d'opium, OK? Donc, ça montre encore une fois, ça l'indique clairement qui est celui qui profite réellement du trafic et puis de la vente de ces drogues, OK? Donc là, vous avez l'OTAN, hein, l'OTAN et puis les forces américaines qui refusent de détruire le trafic d'opium et puis de marijuana en Afghanistan. Alors, ce trafic de drogue qui a augmenté d'environ, écoutez, là, on est passé de 5% à 95% de la production mondiale depuis le début de l'invasion américaine et puis de l'OTAN en Afghanistan. Donc là, vous avez des photos en plus là, qui existent. Là, vous allez voir les soldats américains et les forces de l'OTAN qui protègent, même les forces canadiennes. Ben oui, les forces canadiennes aussi. On protège les champs d'opium. On est là pour protéger les cultures d'opium. Et puis après ça, on refuse de la Russie de les détruire. Donc, qui est responsable de ça? Qui profite de ce trafic-là? Arrêtez de me niaiser, là, hein? Donc, vous avez, c'est ça, vous avez un autre article ici qui parle de l'OTAN, des forces américaines qui supportent l'industrie de la drogue en Afghanistan. Un article très important à aller voir. On contrôle le trafic de la drogue, ça veut dire qu'on contrôle aussi où c'est que la drogue va atterrir, où c'est que l'héroïne de bon marché va atterrir en Russie, comme on a appris dans l'émission passée. Je veux dire, écoutez, la Russie qui s'est plainte de ça, vous avez 30 000 Russes qui sont tombés morts suite à ce trafic. Je veux dire, là, l'héroïne qui est une drogue très forte, là, je veux dire, ben oui, ça tue du monde. Et puis, on essaie de déstabiliser des pays comme ça sans même qu'il y ait un coup de fusil qui soit tiré. Alors, on profite de ça aussi. Donc, ça rapporte, selon les derniers chiffres que j'ai vus, c'est 200 à 300 milliards de dollars par année. Alors, pensez au commerce incroyablement lucratif qui sort de ça. L'Afghanistan qui est aussi, comme je vous disais, le producteur mondial numéro un de haschich. Okay? Donc, ça vient des Nations Unies. Donc, des chiffres, tout ce qui est plus officiel. Donc, c'est même pas seulement la production d'héroïne. On parle de toutes sortes de productions de drogue qui sont sous couvert, protégé par les forces de l'OTAN et puis les différentes armées qui font partie de l'OTAN. Donc, nous-mêmes, caoliques, c'est assez incroyable, mais c'est ça, je veux dire, on participe à ça, c'est débile. C'est un article là, qui parle que les campagnes à Marja, à Kandahar puis à Kunduz pour essayer de subdouer les talibans, les mettre à terre et puis les apporter à la table de négociation. Ne fonctionne pas. C'est une mauvaise stratégie qui tenterait de se revirer contre les forces de l'OTAN, contre les soldats. Il ne faut pas oublier non plus que Karzai était un membre aussi du gouvernement taliban de 95 à 98 avant qu'il soit engagé par UNOCOL. Vous voyez là, toutes les connexions là-dedans sont assez incroyables. Palestine rapidement. Vous avez ici des attaques qui se sont produites dans la bande de Gaza assez importantes. Vous avez des avions israéliens qui ont bombardé, détruit une supposée fabrique d'armement qui s'est trouvée à quoi? Ben, une fabrique de produits laitiers, alors de fromage et de yogourt. Alors, ça, c'est de la façon qu'on opère en Palestine de la part d'Israël. Alors, on reçoit apparemment des roquettes comme ça qui atterrissent tout le temps dans des stationnements ou dans des places complètement désertes, OK, qui font aucune victime. En tout cas, très, très rarement, là, je veux dire, si vous regardez les derniers chiffres depuis les 10 dernières années, là, on les compte en bas de 10, là, les victimes qui ont été causées par ces fameuses roquettes. Alors, on se demande si les fameux insurgés palestiniens n'auraient pas pu perfectionner un peu leur roquette depuis 10-15 ans, depuis le temps qu'ils s'utilisent. Je veux dire, apparemment, ils sont tous sans dessin, ils sont jamais capables de toucher quoi que ce soit de valable. Et en plus, ces Palestiniens-là seraient tellement sans dessin, tellement en cave, que, je veux dire, ils feraient tout le temps en sorte que ça soit en plein en processus de paix qu'ils lancent ces roquettes-là pour discréditer leur effort de paix et puis faire en sorte qu'Israël puisse utiliser ces supposées attaques-là pour dire, écoutez, regardez là, les méchants Palestiniens, les méchants terroristes, ils nous attaquent, donc ils veulent pas la paix, donc nous, on se retire du processus de paix. Comme si les Palestiniens seraient assez sans dessein pour attaquer Israël à chaque fois, au moment le plus critique où ils ne devraient pas attaquer parce qu'on est dans un processus de paix. Donc, à un moment donné, aussi, on se demande si on nous prend pour des caves là-dedans, là. Donc, des questions à se poser, des questions à savoir d'où viennent ces supposées attaques contre Israël, ou à savoir si c'est pas comme on avait trouvé dans la ligne faisant frontière entre le Liban et puis Israël en 2006, 2007, même 2008, on a trouvé des roquettes, okay, qui étaient prépositionnées avec des dispositifs de lancement à distance, okay? Et il avait été découvert par le Hezbollah. Alors le Hezbollah arrive là, dit hey, d'où ça vient cette roquette-là? C'est Moussa qui a installé ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a probablement des forces israéliennes qui traversent les lignes, installent des roquettes comme ça, et puis après ça, on pèse sur un bouton, on se lance des roquettes en pleine gueule, soi-même, donc des fausses attaques, et après ça, on blâme ça sur les forces opposées, puis on se justifie comme ça pour lancer des attaques massives. Et là, ben, on vient d'assister à Gaza à une attaque massive qui ne s'était pas présentée depuis la dernière opération, écoutez, là, complètement démesurée, là, qu'on appelle plomb durci, qui s'est passée il y a un petit peu plus d'un an dans la bande de Gaza. Alors, des attaques aériennes très importantes dans la bande de Gaza, on utilisait des hélicoptères, on a bombardé des cibles à Gaza. Et on a fait évidemment des victimes, et puis on a détruit ben, des installations, on produit de la nourriture. Alors, appelez ça comme vous voulez, c'est des crimes de guerre. Alors, des informations à aller trouver là-dessus. Vous avez aussi d'autres articles qui parlent, ils sont des bulldozers qui sont rentrés dans la bande de Gaza avec des chars d'assaut. On a fait des victimes encore de ce côté-là. On peut s'attendre à une escalade de la violence, probablement provoquée encore par Israël. On parle dans un autre article, c'est de Press TV, d'un ministre israélien qui est en train de considérer des nouvelles attaques sur la bande de Gaza assez massives. Alors, on est en train de parler à Tel Aviv de liquider le Hamas plutôt que plus tard. Alors, vous voyez là, ici, là, donc quand on parle de liquider, donc on parle ici d'attaques assez massives à laquelle on peut s'attendre. Écoutez là, ça dépasse tout entendement. Ça dépasse tout entendement. Dans un autre article d'Euroukhnet, on parle ici de recommencer, en fait, si on les avait jamais arrêtés, là, c'était, je ne sais pas pourquoi on parle ici de continuer, c'est en tout cas. Grosso modo, dans cet article-là, on dit qu'on veut continuer là, les campagnes d'assassinat. On parle de liquider, d'avoir des attaques massives dans la bande de Gaza. Donc, on est en train de parler ici de nettoyage ethnique, d'extermination potentielle des Palestiniens de la bande de Gaza par Israël si cette attaque va de l'avant. Vous avez plus de 20 maisons, 20 000 maisons palestiniennes à Jérusalem qui pourraient faire face à des ordres de démolition selon Ahmad Rouedi, un conseiller légal à Jérusalem. Donc ici, vous voyez là encore le plus de déportations forcées. On parle de nettoyage ethnique, de prise de possession de ces territoires-là. Alors, c'est très, très important ce qui se passe là-bas. Vous avez un article ici qui montre, vous avez même une vidéo là, qui montre les différentes cartes sur l'emprise qu'Israël est en train d'exercer sur Jérusalem. Alors, vous allez voir les différentes cartes successives avec le temps où vous voyez de plus en plus les colonies qui s'étendent et puis sont en train de prendre possession et contrôle de toute Jérusalem. Des cartes qui sont assez révélatrices, à savoir qui est en train de pousser qui en dehors de la carte. Vous avez un autre ici aussi, Israël, qui a permis une première livraison de vêtements à Gaza depuis presque 3 ans. Alors, oui, quand on parle d'État d'apartheid, oh, le gros méchant mot, j'ai osé dire apartheid, et maudit, c'est un mot banni maintenant au Canada, aux États-Unis, je veux dire, c'est pas beau ce mot-là. Le mot d'apartheid, hein? Oui, l'état d'apartheid contre la bande de Gaza et puis la Palestine. Alors, on vient de laisser rentrer des vêtements pour la première fois depuis 3 ans. Alors, c'est pas un état d'apartheid, c'est quoi, hein? Ah, mais oui, ben, il y a un mur, c'est pour assurer la sécurité. On livre pas des vêtements là-bas parce qu'on va assurer la sécurité. Wouh! All right. Alors, on va terminer avec des dernières petites nouvelles sur Israël. Ici, vous avez un article important que j'ai publié la semaine passée qui s'appelle « La Judée déclare la guerre à Obama », un article absolument important à la lire, mais très sensible. Alors, je vous invite à aller découvrir ça. Ça a été écrit par, je pense son nom c'est Gilad ou Gilad, je ne sais pas comment il prononce exactement, le Gilad Adman, qui est un juif qui habite en Angleterre et puis qui a un courage absolument incroyable, là, je veux dire, qui ose dire les choses telles qu'elles sont et qui parle de cet incident d'AIPAC. Je crois que j'en ai parlé la semaine passée, mais je vous en parle encore cette semaine. Alors, allez voir cet article-là, très important, voir comment qu'on utilise. On utilise, mon Dieu, là, la victimisation, on commercialise l'Holocauste à des mauvaises fins comme bouclier, puis pour faire avancer l'agenda israélien, de l'État israélien. Alors, c'est un article très important à les lire, là, chers auditeurs, là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Vous avez un officiel américain qui a dit qu'il n'a aucun plan de garder son droit de veto sur Jérusalem. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez les Nations Unies qui ont essayé de passer des nouvelles résolutions contre Israël par rapport à Jérusalem et puis bien qu'on a essayé de montrer publiquement, médiatiquement et médiatiquement qu'il y avait un certain fossé, une certaine guerre entre Israël et puis les États-Unis au niveau politique. C'est une affaire qui est complètement préfabriquée, là, je veux dire. Ça sert de couvert pour essayer de, si vous voulez, de donner une certaine crédibilité aux États-Unis dans le processus de paix au Moyen-Orient, là, puis peut-être pour partir une attaque aussi, sans vouloir inculper Israël directement. Mais écoutez, là, ce n'est que de la poudre aux yeux, là, je veux dire. Israël puis les États-Unis sont tellement proches que c'est quasiment même un et seul État, là. Là, vous avez les États-Unis ici qui ne vont pas hésiter à utiliser leur droit de veto contre ces résolutions fraîches contre Israël par rapport à Jérusalem. Alors, c'est complètement un prétexte, là. C'est des supposés. On pose dans les médias comme quoi qu'il y aurait vraiment une division entre Israël et les États-Unis, alors qu'il n'y en a pas du tout. Vous avez ici un chef des Nations, ben, le chef, écoutez, là, Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, qui a déclaré que les activités d'occupation israélienne en territoire palestinien sont illégales et puis sont contre la loi internationale et spécifié qu'elle devrait prendre fin le plus tôt possible. Mais encore là, n'entreprend jamais rien de concret et puis absolument ne peut rien faire tant que les États-Unis utilisent tout le temps leur droit de veto pour protéger Israël. Alors, c'est bien beau de déclarer ces choses-là, sauf que quand c'est pas appuyé par des actes, ben, ça sert absolument à rien. Donc, on revient au point de départ. Ensuite, on a ici un article ici de signataires américains. Vous en avez plus de 300 qui ont signé une lettre de soutien conditionnel à Israël, peu importe ce qu'Israël font. Alors, un acte de trahison là, contre les États-Unis, je veux dire, vous avez ici là un dossier à télécharger. Vous avez la liste des membres du Congrès américain qui ont, grosso modo, là, si vous voulez, là, porter serment de protéger et puis de supporter de façon éternelle Israël, peu importe quel crime de guerre ou quel que soit, peu importe ce qu'Israël fera dans le futur. Alors, c'est assez important, là. On voit vraiment là, qui est au service de qui est l'esclave de qui ici, là, OK? Si vous pensez vraiment qu'il y a un certain conflit entre ces deux États-là, ouvrez-vous les yeux, allez voir les liens que je vous propose cette semaine et puis qui sont dans les médias. On Israël qui a menacé le Liban aussi d'une nouvelle guerre. Alors, un autre article ici à les lire. Vous voyez encore là qui cherche la guerre partout contre ses voisins. Si on parle de boucliers humains dont les soldats israéliens se servent dans la bande de Gaza. Alors, on utilise des Palestiniens comme boucliers humains pour faire des descentes dans les territoires occupés. On a ici une entente très importante entre Israël et les États-Unis pour des livraisons d'armement. Alors, on parle encore là de soutien conditionnel américain, autant financier que militaire. Vous allez trouver aussi une quantité très importante là d'articles qui vont justement documenter toute la quantité d'aide financière que les Américains donnent à Israël et aussi d'aide militaire. Alors, si vraiment les Américains voudraient faire en sorte qu'Israël cesse de construire et puis de voler des territoires palestiniens, okay, de construire dans les territoires palestiniens. Il n'aurait qu'à couper ou menacer même de couper l'aide financière de l'ordre de plusieurs milliards de dollars par année, et puis l'aide militaire très importante, et puis vous verriez Israël immédiatement arrêter tous ces crimes-là. Je veux dire, ce serait pas compliqué, sauf que on prétend dans les médias que oh, on tape sur les doigts d'Israël, mais après ça, on continue de leur envoyer du stock militaire et puis des millions de dollars. Alors, vous savez que le message est compris, c'est important, c'est que publiquement, on prétend, là, je veux dire, s'opposer à Israël, mais je veux dire, dans les canaux officiels, je veux dire, il n'y a rien qui est changé. Ici, j'ai l'article qui parle des ces 250 congressistes qui ont déclaré, comme je disais, une loyauté là, sans faille à Israël, donc peu importe là, les crimes qu'Israël va commettre dans le futur. Donc, plusieurs articles à aller voir. Israël qui a été demandé de payer les dommages à Gaza par les Nations Unies, alors ont été reconnus coupables officiellement des dommages qui ont été causés là. On a essayé de passer, de condamner Israël par rapport à l'ONU, provenant de l'ONU, mais les États-Unis ont posé leur droit de veto. Alors, vous voyez encore qui est au service de qui. Donc, un paquet d'articles comme ça, là, je vous dis, allez voir, très important. On parle d'espionnage israélien, des documents qui ont été relâchés par le FBI. Alors, on va essayer de détourner votre attention de ça. On parle d'un autre article ici de l'armée la plus morale du monde. Ben oui, l'armée israélienne la plus morale du monde. Alors, on utilise des boucliers humains. On a tué plus de 1400 civils dans la dernière opération. Alors, de façon indiscriminée, même avec des armes qui sont complètement illégales, des armes chimiques, OK? Ben oui, l'armée la plus morale du monde. On bat des protestants, des activistes pour la paix. Vous avez des organisateurs palestiniens de résistance qui sont torturés dans des prisons israéliennes. Alors, tout ça, ça peut bien sembler comme du bashing anti-Israël, là, sauf que c'est des nouvelles, là, je dis, c'est des affaires qui se passent. Alors, écoutez, qu'est-ce que je voulais que je dise, là, c'est des affaires qui se passent, là. Il faut comprendre, là, que la réalité est vraiment pas rose là-bas, là. À un moment donné, qu'il y a quelqu'un, il va falloir qu'il rentre les rangs, qu'il commence à respecter les mêmes lois que tout le monde, OK? J'ai juste besoin de commencer à respecter les lois comme tout le monde, les lois internationales, pour arrêter de commettre des crimes de guerre, et puis tout va bien aller, là. OK? Quand on pratique la torture, utilise des armes chimiques contre des civils, on ment pour partir des guerres, et puis contre des personnes qui n'ont absolument rien fait de mal. Je veux dire, à un moment donné, là, on a une responsabilité morale, comme je vous le disais un peu plus tôt dans l'émission, là. Donc, allez trouver ça. Vous avez ici la semaine de l'apartheid israélien, où c'est qu'on dit ne devrait pas être permis au Canada, ne devrait pas prendre place. On parle ici d'un article de critiquer Israël serait un acte criminel. Alors, on parle ici carrément au Canada. Vous avez une coalition parlementaire canadienne là, de lutte contre l'antisémitisme qui dit que même de critiquer Israël serait un acte criminel. Ok, donc, on ne peut même plus critiquer Israël, même dans les milieux universitaires ou dans les médias. On parle ici de nouvel antisémitisme qui consiste à attaquer Israël juste même en critiquant ses politiques. Alors, c'est incroyable, là. Je veux dire, on ne peut plus rien dire à propos de ça. Alors, un autre article ici de Chantal Hébert qui parle de cause noble ou dérapage. Radio-Canada qui rapportait là, que 500 artistes québécois, dont Gilles Vigneault et Richard Desjardins, avaient signé une pétition prônant le boycottage des produits israéliens en réclamant des sanctions internationales contre l'État hébreu. On parle des 500 articles québécois contre l'apartheid israélien, qui serait aussi, selon les nouvelles lois antisémites, ici au Canada, comme étant un acte, un crime, là, je veux dire, ça c'est des criminels. Alors, Richard Desjardins, Gilles Vigneault, des gros criminels parce qu'on parle de l'apartheid israélien. Alors, vous voyez, c'est un peu comme si on disait que critiquer les nazis, c'était d'être anti-allemand, tu sais, de faire du bashing contre les Allemands. Je veux dire, c'est complètement débile. On parle des agissements américains à l'étranger, comme en Afghanistan puis en Irak, puis ça voudrait dire qu'on est anti-américain. Tu sais, c'est logique carrément tordue, puis on vous prend comme des innocents, comme des sans-dessins. Ouais, ben c'est ça, là. Donc, ça va être assez pour le Moyen-Orient. On va revenir après la pause avec l'actualité, puis on va parler aussi d'économie, puis un peu d'état policier. On va voir ce qu'on a le temps de couvrir. Alors, on se retrouve tout de suite après. I have gained the ultimate knowledge. OK, c'est bon, on est retour de la pause. François Marginat au micro, toujours avec vous. Vous êtes sur les ondes de Choc FM et à l'écoute de l'émission L'Autre Monde. OK, maintenant, on va se tourner vers l'actualité, plus au sens large du terme. On va parler en premier des tasers. Vous savez, ici au Canada, on a eu, le grand scandale, la grande horreur là en tant que tel de Dick Henske, qui a été tué par des policiers de la GRC ici, donc la police fédérale, hein, la police montée qui avait... écoutez, là, on avait essayé d'immobiliser Robert Dick Henske à l'aéroport de Vancouver et puis après ça, on avait utilisé le taser à plusieurs reprises et puis ce qui est arrivé, c'est que cette personne-là est morte. Donc, Dick Henske qui s'en venait retrouver sa mère qui habitait, elle, en Colombie-Britannique et puis la communication s'est mal faite. La personne a attendu pendant des heures et des heures à l'aéroport, a commencé à s'énerver et puis vous avez la GRC qui... n'est pas capable d'immobiliser quelqu'un juste avec les techniques policières. Alors, il faut tout le temps utiliser des décharges électriques. Des décharges électriques de 50 000 volts dans le corps. Et puis, vous avez cette personne-là qui est morte, hein, Dick Henske. Et puis, au début, si on se rappelle, le GRC avait même nié avoir été responsable là-dedans et puis que c'était pas de leur faute, blablabla. Et puis après ça, on a toutes maintenant là, les évidences après qu'on a eu des procès. Et on est obligé de s'excuser de la part de la GRC. Alors, ça s'est passé cette semaine, c'était rapporté par The Canadian Press. Et puis, vous avez la GRC qui s'est excusée officiellement à la mère de Dick Henske pour sa mort. Alors, voilà, mais disons qu'il est un peu trop tard. Et puis, surtout après avoir même refusé puis accepté la responsabilité du premier coup. Alors, vous savez, ils sont comme un peu obligés de le faire maintenant à reculons. Alors, pour savoir ce que ça vaut... Donc, il y a eu un arrangement financier qui n'a pas été révélé entre la GRC et puis la mère de Dick Henske. Sauf que, voilà, quoi. Donc, c'est vraiment honteux de voir la GRC qui agit de la sorte, essaie de se laver les mains, puis après ça, qui est acculé au mur, et bien là, décide, finalement, de s'excuser. Donc, ça vaut ce que ça vaut. Les gars, ils font dur. Et puis, ces affaires-là, ça n'arrête pas. Vous avez ici un article avec une vidéo, allez voir, où on montre que des policiers ont utilisé des tasers contre un petit garçon de 10 ans dans un centre de garderie, de soins. Là. Alors, vous savez, là, quand on est rendu, quand vous avez des gros policiers là, de 200 livres là, qui commencent à devoir utiliser des tasers pour immobiliser un enfant de 10 ans qui pèse 98 livres, là, ça commence à être assez honteux, je vais vous dire. Là, messieurs, les policiers, les dames, là, à un moment donné, retrouvez un peu votre honneur là, et puis commencez à comprendre que c'est votre image qui va en souffrir. Là. Je veux dire, quand on voit des affaires comme ça, là, vous allez écouter la vidéo et puis ça s'est passé aux États-Unis. Là, vous allez écouter le chef de la police, en plus, qui défend ses policiers, qui dit « Ah, vous savez, des fois, on n'a pas vraiment le choix. Le jeune était vraiment turbulent. » Et puis, voyons donc. On excuse même ces choses-là. On essaie de les justifier, je veux dire. On essaie de justifier l'injustifié. On parlait du Québec avec les finances, l'économie qui apparemment va pas très bien. C'est sûr que ça va pas bien. De la façon qu'on dépense l'argent, qu'on dépense trois fois plus les médicaments parce que les compagnies pharmaceutiques demandent toujours de plus en plus d'argent. On crée une dette en empruntant tout en argent des banquiers privés. Et puis là, on est obligé de payer des intérêts absolument faramineux sur cette dette. Et puis, on a un paquet de raisons comme ça qui fait que, écoutez, sans compter les contrats alloués à les compagnies mafieuses. Donc, j'en passe et j'en passe. Et puis, on se retrouve dans le trou. Et puis, on apprend que, ici, c'est un article de Hélène Barry de La Presse qui montre que même si l'opinion publique était farouchement contre, le gouvernement a décidé d'augmenter quoi? Les tarifs d'électricité! Donc, de consacrer ses revenus supplémentaires à la réduction de quoi? De la dette. Eh oui, alors, dette complètement fictive, qui au lieu de simplement emprunter notre argent à nous-mêmes, de nous servir de notre banque centrale, on emprunte des banquiers privés. Donc, on peut parler ici d'une trahison, totale, je veux dire. On n'a même pas besoin d'emprunter de l'argent des banquiers privés. On peut l'imprimer nous autres mêmes avec notre banque centrale, mais au lieu de le faire, ben, on l'emprunte des banquiers privés avec des intérêts, ce qui fait que ce qui fait qu'on est obligé de réduire le montant disponible à toute la population pour payer des banquiers privés. Alors, on va faire quoi pour faire ça? Ben, on va augmenter les tarifs d'électricité. Hein? Donc, on va opérer un dégel des tarifs du bloc patrimonial d'électricité. Ça se fera graduellement et seulement à compter de 2014. Mais écoutez, on dit ça fait déjà 2, 3 années qu'on augmente l'électricité une ou deux fois par année. Donc, arrêtez de nous compter des bateaux, là, puis essayez de faire en sorte qu'au lieu de dépenser notre argent inutilement, d'essayer de la conserver, puis arrêtez de nous surtaxer parce qu'on n'en a déjà plus d'argent. Hein? Donc, ici, on parle que l'augmentation va se traduire par une augmentation de 3,7 % par année pour tous les consommateurs, à l'exception, évidemment, des entreprises énergivores comme les alumineries qui en seront exemptées. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est des grosses compagnies, eux autres font pitié, mais le peuple, eux autres, ils vont payer. Donc, on apprend qu'en conférence de presse, le ministre des Finances a expliqué que ces entreprises sont vitales pour l'économie, hein, donc les régions du Québec. Alors, apparemment, qu'ils ont décidé de ne pas y toucher. Ben oui, eux autres, on ne peut pas y toucher, les gros, hein, c'est bien certain. En revanche, celles qui bénéficient des tarifs très bas, des contrats secrets, en plus, vous avez des contrats secrets parce qu'il ne faut pas que vous sachiez comment ces compagnies-là peuvent rester comparées à vous. Alors, on a conclu avec Hydro que nous ne pourrons pas renouveler à l'échéance entre 2014 et 2016 certains de ces contrats-là. Alors, elles paieront alors le tarif grande entreprise, qu'on appelle le tarif L, ici au Québec, ce qui permettra à Hydro-Québec de récupérer des revenus supplémentaires de 160 millions. Alors, bon, 160 millions pour les grandes compagnies, puis dans vos poches, on va venir chercher combien de centaines de millions? Ah, on n'en a pas trop parlé ici. Alors, on parle ici de 150 entreprises qui vont être épargnées. Hein? Donc, ben oui, ça fait bien pitié. Par contre, les PME, eux autres, ils crèveront. T'sais? Je veux dire, les petites PME, c'est pas grave. Ils payent déjà de 20 à 30 % plus cher, on apprend ici là, dans l'article. Mais les grosses compagnies, là, les grosses entreprises, les multinationales, eux autres, là, ils font bien pitié. Ils font bien pitié. Fait qu'eux autres, on va pas y toucher. Donc, voilà pour les augmentations. On parle ici des revenus supplémentaires provenant de la hausse de 2,79 à 3,79 cents le kilowattheure du bloc patrimonial qui seront versés à des fonds des générations créés pour rembourser la dette. Alors, c'est 1,6 milliard qui s'ajoutera aux redevances hydrauliques versées par les producteurs d'électricité, alors Hydro-Québec, Alcan et les autres producteurs privés. Alors, voilà, c'est comme ça qu'on va continuer de vous saigner à blanc. Vous savez, c'est pas juste ici au Québec, aussi en Ontario, vous avez la Toronto Hydro qui va augmenter ses prix de 7 cents le kilowattheure. Alors, évidemment dans les périodes de pointe. Alors, on vient chercher l'argent quand vous n'avez pas le choix, là, à l'heure du souper. Hein? Donc, voilà, on va aller chercher plus d'argent dans les poches des gens. Donc, c'est comme ça qu'on opère. Ici, on a un article à aller voir pour vous. C'est la CIA qui a reçu un jugement en faveur d'eux autres de pouvoir garder le secret des dossiers sur les attaques terroristes qu'il y a eu à Oklahoma City. J'en parlais un peu plus tôt dans l'émission aussi. Donc, qu'est-ce que ça révèle, ça, comme je vous disais? Oui, c'est pas d'histoire que je vous raconte. Quand je vous dis que toutes ces attaques terroristes se sont passées en conjonction avec les services secrets, le FBI, c'est pas des farces, là, OK? Ce que je vous raconte, c'est des choses qui sont documentées. Vous allez trouver encore des liens, là, sur le site Les Nouvelles Internationales pour trouver plus d'informations. Et puis, là, vous avez un juge fédéral en Utah qui a déclaré que la CIA pouvait garder des documents secrets à propos des attaques sur Oklahoma City. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, écoutez, là, ça revient carrément à admettre que on n'a pas reçu toute la vérité à propos de ce qui s'est passé cette journée-là au Murrah Building à Oklahoma City. Alors, il est évident qu'il y avait d'autres bombes dans le bâtiment et puis que Timothy McVeigh était autopiloté par, pas autopiloté, mais était dirigé à distance par des agents du FBI. Et on a même refusé d'entendre une autre personne, Terry Nichols, qui a travaillé avec Timothy McVeigh, qui lui a des choses à révéler par rapport à ça aussi, que ces gens-là étaient infiltrés et puis pilotés à distance par le FBI. Vous avez des bombes qui étaient déjà placées dans ce bâtiment fédéral de la Murrah Building. Alors, beaucoup de choses qui montrent encore que ces événements-là sont organisés. C'est des jobs de l'intérieur, des services secrets pour faire avancer différents agendas. Et la vérité n'a pas encore été faite, et puis vous avez des juges qui protègent justement cette vérité-là d'arriver à vos yeux, à vos oreilles. Donc, un autre article très intéressant à trouver. On parlait la semaine passée de l'heure planétaire, donc de l'heure de la Terre, où c'est qu'on a fermé les lumières pendant 1 heure. Eh bien, il y a un autre article ici qui a été publié par le Vancouver Sun qui raconte que l'intérêt canadien dans cette heure de la Terre a diminué. Donc, l'intérêt des Canadiens diminue selon un sondage de Ipsos Reid. Alors, on a conduit ce sondage pour CanWest News Service et puis Global Television. Et puis, ça a montré que moins de la moitié des Canadiens avaient participé dans cette heure de la Terre cette année, moins que l'année passée. Alors, on dit qu'il y a eu 37% seulement, 39% des Canadiens qui ont fermé leur lumière en comparaison à 60% des Canadiens qui avaient participé en 2009. On dit ici dans l'article que les participations étaient au plus haut en Ontario puis dans les provinces de l'Atlantique, mais étaient beaucoup plus basses dans les autres provinces. On dit que nulle part dans le pays, il y a eu d'augmentation significative depuis la dernière année. On a connu une légère augmentation au Québec, ici, où on a connu plus de personnes. Alors, on parle de 36% qui ont participé cette année, ce qui est seulement qu'un pour cent de plus que par rapport à l'année passée. Donc, le sondage a été conduit le 29 mars, entre le 29 et le 31 mars, et on a interrogé 1010 adultes à travers le pays. Alors, on dit que ce sondage a une précision à l'intérieur de 3,1%, 19 fois sur 20. Alors, voilà pour cette heure de la Terre. Dans une autre nouvelle, on parlait de la milice la semaine passée qui avait été infiltrée par un agent du FBI, cette fameuse milice sur laquelle on avait opéré un méchant raid très médiatisé. Alors, on disait que ces gens-là se préparaient à commettre des attaques terroristes à l'intérieur des États-Unis. Bien, vous avez une autre nouvelle cette semaine qui documente encore le fait que c'était un agent du FBI qui était infiltré dans le groupe et puis on a même aidé cette cellule de milice chrétienne à produire, à construire des explosifs sous la direction de la personne qui était suspectée être comme le chef de ce groupe. Et puis, finalement, ben, ce que ça revient à dire, c'est que c'est l'informant du FBI qui a réellement construit les bombes et que sans ces fameuses bombes, il n'aurait pas pu avoir aucun crime. Alors, voyez un peu pourquoi que je vous dis que toutes ces fameuses actes de terrorisme-là sont bien souvent, en tout cas la grande majorité, pilotées de l'intérieur, bien souvent par les services secrets ou même des agents du fédéral pour se justifier, quoi. Parce qu'après ça, le gouvernement peut se virer de bord et dire, regardez, là, vous avez des gens, hein, de la population qui nous veulent du mal, donc il va falloir augmenter la surveillance, écouter vos conversations téléphoniques. La service, augmenter la surveillance électronique, implémenter plus de mesures d'État policier. Donc, c'est un peu toutes ces affaires-là qui aussi déboulent de ces fameux événements supposément terroristes, mais qui sont montés en pièces carrément par les services secrets, puis des agents fédéraux, des agents du gouvernement. Et un autre exemple de ça, c'est un autre article ici qui a été publié sur le site même du gouvernement, OK? Donc, vous avez ici le site du gouvernement du FBI, de la branche de Chicago. Vous allez trouver le site lui-même du FBI. Alors, allez vérifier par vous-même, là. Je veux dire, comme je vous dis que ce n'est pas des histoires que je vous raconte, là, on a appris dans l'histoire de l'attaque terroriste à Mumbai. Vous vous rappelez de ça? Ça doit faire quoi? En 2008. Alors, on a eu un massacre à Mumbai en Inde. Vous vous rappelez de ça, on avait tenu la ville en otage pendant plusieurs heures. En fait, ça s'est étalé sur quelques jours. Et on a appris qu'un des membres du groupe était un ancien agent du gouvernement américain qui s'appelait David Coleman Headley, qui avait reçu des promesses d'extradition et puis de protection des prosecuteurs américains, okay, pour son rôle dans le massacre de Mumbai en 2008. Et ça a été maintenant même admis par le FBI, okay, donc par les agents, par le gouvernement américain. C'est assez capoté, c'est assez capoté. C'est un ancien, en fait, c'est le fils d'un ancien diplomate pakistanais qui, lui, est ancien de la DEA aux États-Unis, la Drug Enforcement Administration. Donc, voilà quoi pour ces fameuses attaques terroristes qui sont encore mises à jour comme étant des trucs complètement organisés par le gouvernement et ses différents C'est différents bras, donc ça a autant des services secrets que des agents du FBI, puis des fois ça peut être militaire ou quoi que ce soit. Parlant encore de cette même histoire-là, ben là, vous avez eu des actes de terreur à Moscou, vous avez sûrement entendu ça, et bien là, on a trouvé encore des connexions avec la CIA, puis l'Arabie Saoudite et le Mossad. Alors, on pose ici la question à savoir si ces gens-là sont impliqués dans les actes de terreur en Russie, OK? Et puis, vous en avez eu un autre acte cette semaine, je crois, où on a eu des explosifs sur des rails de train. Et vous devez comprendre que de déstabiliser la Russie, c'est très important en ce moment, surtout pour la coalition de l'OTAN, les pays occidentaux qui cherchent à attaquer l'Iran, même affaire avec Israël qui cherche à attaquer l'Iran. Alors pourquoi? Ben parce que on est en train de tranquillement déstabiliser la Russie, créer des problèmes internes pour détourner l'attention et puis occuper la Russie à d'autres trucs, et aussi pour couper les lignes de ravitaillement. Donc, vous devez comprendre que si l'Iran était pour être attaqué par Israël ou les États-Unis et que la Russie était pour porter secours à l'Iran, eh bien, on aurait besoin d'utiliser ces routes-là qui sont utilisées puis qui sont maintenant l'objet de des actes de terreur. Alors, si on fait en sorte que ces routes d'approvisionnement-là sont détruites ou endommagées, eh bien, on va être capable d'être en mesure de faire en sorte que la réponse russe va être empêchée ou grandement diminuée. Alors, ça, c'est très intéressant. Vous avez ici une analyse qui a été faite, et puis là, vous allez être capable de la trouver. Et c'est assez spécial. C'est arrivé, on parle ici dans le métro de Moscou, l'événement qui est arrivé le 29 mars. C'est assez significatif dans le sens que c'était la veille de la journée de la Palestine, du territoire palestinien, et puis de la semaine internationale de boycott contre l'apartheid israélien. Ah, c'est spécial que ça arrive comme ça. C'est spécial que ça arrive comme ça. Alors, au lieu de concentrer notre attention sur la semaine de l'apartheid et du boycott des produits d'Israël, alors l'apartheid d'Israël qu'on essaie de boycotter, eh bien, zoup, là, on arrive avec des attaques terroristes à Moscou. OK? Alors, vous voyez que ces choses-là, à un moment donné, on peut parler de coïncidence, mais est-ce qu'on peut tout le temps parler de coïncidence? Est-ce que ces événements-là sont tout le temps fortuits, complètement déconnectés entre eux? Bon, je vous laisse penser à ça. Allez voir les liens, puis à un moment donné, faites les mathématiques vous-même et puis tirez-en vos propres conclusions. Mais il y a des choses assez importantes quand même à voir, et puis vous allez aller voir ces articles-là. Hein, comme on dit, les coïncidences en politique, là, sont rares. Ils sont rares, les coïncidences en politique. OK? C'est des événements à suivre. Alors, est-ce que c'est un événement pour essayer de détourner l'attention de la semaine contre l'apartheid israélien, ou est-ce que c'est une réponse contre la Russie venant d'Israël parce que la Russie refuse d'imposer des sanctions plus importantes contre l'Iran? Comme je vous dis, c'est à vous de voir. C'est des événements, c'est des choses qui sont importantes à considérer. Et puis là, vous allez trouver différents articles ici, là, qui sont bon, apparemment, ça viendrait les fameuses attaques là contre la Russie, ça viendrait des rebelles tchétchènes. Sauf que, comme je vous dis, là, on a différents articles là, à aller consulter là-dessus, du Times Online et puis de d'autres sources. Mais tout ça est assez louche, est assez louche. En Mongolie, on a aussi un article ici qui a été publié sur Global Research où on apprend que le Pentagone est en train d'utiliser un cheval de Troie pour s'installer tout autour de la Russie. Puis cette fois-ci, c'est la Mongolie qui est en lumière dans cet article, excellent article que je vous conseille d'aller voir. Et on voit que le partenariat de l'OTAN et puis des États-Unis sont en train de s'installer un peu autour de la Chine et puis de la Russie. Et puis là, on a des bases américaines qui sont en train de s'installer dans un paquet de pays autour de la Chine et puis de la Russie, dont même la Mongolie tout récemment. Alors, voilà quoi, c'est quand même assez spécial de voir ça. On est même rendu dans des pays comme la Mongolie. N'oubliez pas qu'on a des troupes un peu partout. On en a en Afrique. Vous avez à peu près 2000 troupes qui sont stationnées à Djibouti, dans la Corne africaine. Ensuite, vous avez sur la mer Noire, autour de la mer Noire, vous avez plusieurs bases aériennes et puis des bases de terre en Bulgarie, en Roumanie, en plus de des bases en Géorgie. Ensuite, vous avez aussi des bases autour de la mer Baltique. Alors, ça a été activé au mois d'avril. On appelle ici, on appelle le truc le Patriot Advanced Capability 3 Theater. C'est des missiles d'interception. Alors, on a des batteries de missiles d'interception qui ont été stationnées en Pologne avec un contingent de 100 troupes pour les gérer. Au Moyen-Orient, on a des bases aériennes et puis des bases avancées qui sont en opération, aussi des camps. On a des installations des installations de stockage d'armement. Aussi pour des transits de troupes vers les centres en Irak. On en a aussi en Jordan, au Koweït. Et vous en avez aussi en Asie centrale. On a des bases américaines au Kirghizistan. Vous avez environ 35 000 troupes là-bas, en plus des troupes de l'OTAN. Okay? Vous avez aussi des bases en Afghanistan, des quelques centaines en Afghanistan, de 400 à 700 bases dans ce pays-là. Vous avez aussi des bases américaines en Asie du Sud. Alors, vous avez encore là une prolifération de l'infanterie puis des bases aériennes en Afghanistan, incluant la très, très grosse base de Bagram avec 25 000 personnels militaires et contracteurs privés. Donc, vous comprenez un peu, là, à un moment donné, qu'on est un peu partout. En Asie du Sud-Est, c'est la même affaire. On a des troupes militaires stationnées aux Philippines. Ça aussi, ça fait longtemps qu'ils sont là. En Amérique du Sud, ben, c'est la même affaire. On a 7 nouvelles bases militaires, surtout en Colombie. Ça, on en a souvent parlé ici sur l'autre monde. En Amérique centrale, ben, c'est la même affaire. On a d'autres différentes bases qui sont au Honduras. Vous en avez au Panama. Et ensuite, vous en avez dans d'autres îles des Caraïbes, dans la mer des Caraïbes. Ensuite, vous avez des bases dans l'océan Indien. Okay? Donc, il ne faut pas oublier les bases qui sont là-bas. Dans le Pacifique Sud, alors vous avez des satellites aussi qui sont des satellites militaires qui sont installés en Australie. Alors, ça, depuis 2007, on est là-bas. On a eu une massive expansion de la Henderson Air Force Base, puis la construction de des baraques qui vont être capables d'abriter 8 000 Marines sur Guam, qui sont en train de se faire construire. Donc, vous voyez que vous avez des nouvelles bases qui sont installées sur à peu près tous les continents que le Pentagone possède. En Mongolie, vous voyez là, on commence à en avoir aussi là-bas. Donc, ça commence à être assez spécial, non, n'est-ce pas? OK, on va se tourner vers l'Amérique du Sud. Dans un article du Huffington Post, on apprend que la Colombie et les États-Unis ont essayé d'enterrer, de couvrir leurs traces sur des atrocités qui ont été commises là-bas. Et puis, on est tombé sur accident sur des fosses communes, okay, dont on a enterré plusieurs centaines de personnes. Alors, on a essayé de faire passer ça comme étant des insurgés, comme des paramilitaires, des gens qui étaient méchants, sauf que là, on est en train de s'apercevoir que c'est des civils qui ont été tués de sang-froid. Et puis on les a habillés puis les faire avoir l'air d'être des guérillas armés, ok, pour justifier encore plus d'aide de la part des États-Unis. Et là, vous avez ici un haut commissionnaire des Nations Unies pour les droits humains, Navi Pillay, qui a déclaré que ces pratiques étaient systématiques et répandues, qui revenaient à être des crimes contre l'humanité. Alors, ça, c'est une autre nouvelle assez importante à aller voir. C'est complètement capoté. Je veux dire, on est tombé sur une immense fosse commune en Colombie qui a été découverte par accident l'année dernière. Okay? Donc, proche d'une base colombienne, proche de La Macarena. Okay? Donc, c'est une municipalité rurale qui est localisée très proche du département de Meta, juste au sud de Bogota. Alors, c'est aussi à noter que cet endroit-là est très proche d'une base militaire américaine. Vous avez même l'armée colombienne qui a admis la responsabilité pour la fosse commune, okay? Donc disant qu'ils avaient tué et puis enterré plusieurs guérillas, membres de guérillas là-bas. Sauf qu'on n'avait même pas identifié les corps, on les a enterrés comme ça, puis on n'en avait même pas parlé. Alors, ça sonne évidemment quelques sons de cloche très importants. Et évidemment que ça contrevient à tous les protocoles qui font en sorte qu'on doit évidemment disposer de des corps comme ça, de n'importe qui soit tué par l'armée. On doit l'identifier, on doit faire en sorte qu'il y ait des rapports qui soient écrits là-dessus. Mais là, on les a enterrés comme ça, sans en parler à personne, secrètement. Et puis, boum, on est tombé comme ça, par hasard, sur ces fosses communes. Alors, on parle ici d'une fosse commune qui contiendrait plus de 2 000 civils qui auraient été victimes de toute cette histoire incroyable. Alors, un autre article complètement déconcertant à aller voir. dans le truc des scandales des pédophiles dans l'Église catholique, ben là, on a encore d'autres révélations complètement renversantes cette semaine. Là, ça vient du Spiegel de l'Allemagne, où on apprend que on a mis en place une hotline, alors une ligne d'écoute pour les victimes d'abus sexuels par des prêtres catholiques. Et puis dans la première journée qu'on a ouvert les lignes, on a eu environ 4 500 appels, hein, pour vous donner une idée de ce qui se passe. Donc, je veux dire, 4 500 appels, pensez à ça, 4 500 appels. L'Église catholique, c'est vraiment, c'est superbe, superbe. Le Vatican qui a déclaré que le pape a l'immunité dans les poursuites judiciaires, dans les abus sexuels. Alors, on essaie de faire en sorte que on considère que le pape soit immunisé légalement, OK? Parce que l'argument qu'on dit, c'est que il reçoit une immunité comme étant une tête d'État, un chef d'État, OK? Ce qui est complètement faux. Pourquoi? Parce que vous savez, même Bill Clinton avait été forcé de testifier dans son cas de. Vous rappelez là, hein, son cas, son dossier de sexe avec, comment elle s'appelait, elle, Monica Lewinsky. Hein? Donc, pourquoi M. Bill Clinton a été forcé de testifier dans son scandale de sexe alors que le pape, lui, serait au-dessus de tout ça? Non, non, non, vous voyez qu'on est en train de vous mener en bateau. Vous avez un autre article ici que, justement, cette histoire d'immunité légale ne tient pas debout. Okay? Donc, le Vatican devrait, évidemment, faire face aux mêmes lois internationales que tout le monde. Okay? Alors, même Saddam Hussein avait été jugé puis pendu. Pourquoi pas le faire de même avec le pape? Hein? Donc, ce gars-là, il a le droit à son procès, puis on devrait y laisser son droit. Hein? Donc, non, non, non, il n'est pas au-dessus de ça. Le pape qui lui dit qu'il est au-dessus de la loi. Puis, dans une autre nouvelle ici, sur le show de Larry King Live, vous avez sûrement entendu parler de ce show très populaire aux États-Unis. On a un professionnel défendeur de l'Église catholique qui est venu expliquer. Okay, c'est un monsieur-là qui s'appelle Bill Donahue, qui est venu expliquer à China O'Connor puis toute l'éditoria de Larry King que ce n'était pas un cas de pédophilie, okay, à lequel on avait affaire parce que les victimes avaient au-dessus de 12 et 13 ans. Okay, donc, vous voyez, là, il dit que ces personnes-là étaient post-pubescents. Donc, ça ne s'agissait pas de pédophilie. Alors, comme c'était un argument pour laver les mains de l'Église catholique, ah, écoutez, les petits gars qu'on a sodomisés, là, hey, il avait 12 ans. Fait, lui, selon lui, ce n'est pas un cas de pédophilie, c'est un cas d'homosexualité. Ah, OK, c'est bien moins grave, là. Là, je comprends. OK, ben c'est beau, là, tu peux sodomiser mon petit gars de 13 ans, là. C'est juste un cas d'homosexualité. Puis moi, je suis pas contre ça, l'homosexualité, il n'y a pas de problème. Donc, voyez un peu là, les dérangés qui se trouvent à être là-dedans. Je veux dire, c'est assez peurant. C'est assez peurant. Alors, il n'y a pas de problème avec l'homosexualité. C'est pas de la pédophilie. Hein? Donc, est-ce que ça veut dire aussi que c'est correct de molester des jeunes filles? Hein? Non, non, non. C'est correct maintenant. Alors, toutes les pédophiles et puis les violeurs de jeunes fillettes là, de 12-13 ans, là, c'est correct maintenant. Vous avez juste. Ça veut dire que c'est même plus un cas d'homosexualité. Ça veut dire que c'est complètement correct, là. Parce que la fille est au-dessus de 12-13 ans, donc c'est pas un cas de pédophilie, c'est pas un cas d'homosexualité, donc c'est complètement correct. Alors faites attention les parents si vous avez des jeunes filles de 12-13 ans qui vont à l'église, parce que c'est correct s'ils se font violer puis ils se font abuser sexuellement. Right? Hey, c'est beau la mentalité. C'est beau la mentalité de ces gens-là. C'est vraiment fantastique. Dans le même dossier, on a une lettre ici qui date de 1963 qui indique que le pape savait, même à ce moment-là, qu'il y avait eu des abus sexuels et puis qu'on a gardé ça secret. Alors, on parle de 5 décennies plus tôt. Donc, ça, c'est une lettre qui a été obtenue par AP, Associated Press, et qui a été publiée sur le fil de nouvelles. Alors, vous voyez que ce n'est pas un problème qui est nouveau non plus. Donc, quand on impose des règles à d'autres, mais après ça, on les transgresse soi-même, on a un sérieux problème de crédibilité. Surtout après ça, quand on se hisse au-dessus de la loi et on dit on est immunisé à cette loi-là et puis qu'on essaie de couvrir les scandales depuis des décennies, OK? Donc, je reviens encore de ce cas-là parce que, écoutez, c'est tellement important. Et puis là, on essaie même de s'en laver les mains en disant que là, c'est Satan qui est derrière les attaques des médias contre le pape. Alors, ça a été déclaré par certains exorcistes italiens. Alors, le père Gabriel Amorth qui a déclaré ça, ça fait une semaine ou deux par rapport à tout ce gros dossier-là. Alors, imaginez donc, là, assez capoté, on dit que même le New York Times a été poussé par Satan pour amener des attaques contre l'Église catholique. Ben oui, c'est ça, c'est Satan. Ça doit être Satan qui est derrière ça. Incroyable, c'est incroyable. Vous avez même ici un prêtre qui a déclaré, qui a comparé que les critiques contre les abus sexuels et puis les critiques du pape s'apparentent à l'antisémitisme. Alors, on viendrait même de faire un lien avec l'antisémitisme. Alors, on dit que d'attaquer l'Église catholique, c'est comme faire de l'antisémitisme. Alors, ben oui, c'est vraiment fantastique, hein? Alors, même dans une nouvelle, là, ici, vous avez le pape qui a dit qu'il était pour être prêt à excommunier des prêtres catholiques qui ont été accusés de pédophilie et puis les remettre entre les mains des autorités. Eh bien, vous avez quand même toutes, comme je vous dis, ces manières d'essayer de se distancier, se laver les mains et puis se justifier par rapport à tout ça. Donc, c'est oui, ça fait dur. Et puis, même ici au Canada, on a notre beau petit génocide contre les Amérindiens qui s'est passé. Même le gouvernement de Harper avait officiellement remis des excuses aux Amérindiens qui avaient été exploités et puis carrément éliminés dans les écoles résidentielles. Alors, l'Église catholique romaine qui refuse de donner les listes, OK, donc des écoles résidentielles où on avait de ces Amérindiens qui ont été exploités, qui ont été carrément éliminés, tués, parce qu'on avait des virus et puis différentes maladies qui couraient, puis on les laissait dans les écoles alors que c'est hautement contagieux. Donc, vous avez eu des taux de décès absolument faramineux dans ces écoles-là, et vous avez eu des dizaines de milliers d'Amérindiens qui en sont morts. Donc, on a eu notre petit génocide canadien ici. Et encore là, ben, vous avez ce refus de coopérer puis de publier ces listes où on pourrait connaître où et quand il y a eu des exactions et par qui. Okay? Donc, on ne veut pas relâcher ce matériel-là. Donc, on ne parle pas juste non plus d'abus sexuels, mais carrément d'abus physiques qui impliquent la mort de plusieurs personnes entre les mains du personnel de l'Église catholique. Alors, quand je vous dis que ça fait dur, c'est pas des farces. Alors, voilà, ça va être pas mal tout pour cette semaine. Je vais vous laisser. Alors, on va se retrouver la semaine prochaine avec un gros dossier sur le réchauffement climatique et le reste de quelques nouvelles, évidemment, dans l'actualité. Donc, on a tout le temps toutes sortes de trucs à vous passer. Puis, je vais parler un petit peu de santé. Donc, on va sûrement commencer par la santé, un petit peu d'actualité, puis on va faire au moins une bonne heure là, sur toute la grosse histoire du réchauffement climatique causé par l'homme. Alors, ne manquez pas ça la semaine prochaine, grosse émission. Donc, je vous salue bien bas, portez-vous bien et on se retrouve la semaine prochaine. C'était François Marginan pour L'Autre Monde. Ciao! Thank you.